je suis comme une enfant. Parle-moi, doucement et longtemps. Parle-moi, j'ai besoin de présence, le silence me fait peur, je n'entends plus que mon cœur, t'en vas pas, bouge pas, je suis comme une enfant, toi qui me défends. Parle-moi, j'ai besoin de tendresse, mal du siècle de toujours. Mal d'amitié, mal d'amour, n'en veux pas, ne ris pas, je suis femme et enfant. Parle-moi, parle-moi, c'est toi seul que j'entends, n'en veux pas, ne ris pas, je suis femme et je suis comme